Solar Impulse s'est posé à Oman et le rayon de soleil se pose sur Inter. Charline, c'est à vous. Laetitia Gaillet, pour votre grand retour. Après ces revues de presse et ces petits matins. Vous êtes fraîche comme la rose, même à 17h08. C'est vrai, à 8 je suis fraîche, à 9 je me casse. Très bien, pour nous écouter, bien sûr, puisque vous avez tout annulé. Ben voilà. Pour nous écouter dans le RER, le train, que sais-je, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Allez-y. Salut les amis. Salut Charline. T'as l'air tendue. Allez, tu m'étonnes, on reçoit une légende du journalisme. Roger Zabel. Mais non, j'ai dit une légende. Enfin. Gérard Rolls. En plus, on reçoit quelqu'un d'irréprochable. C'est Jean-Jacques Bourdin. Mais non. Et en plus, c'est une femme alors. Il y a des femmes légendes du journalisme. Bravo. Femme légende du journalisme. Evelyne Delia. Oh, laisse tomber. Non, mais tu me fatigues, Alex. Là, moi, je te demande pas d'être futé. Je te demande juste d'en avoir l'air. C'est qui l'invité? C'est Michel Cotta. Je connais très bien. Son père a été maire de Nice. Elle a dirigé Radio France, France 2 et le CSA. Et elle a été directrice de l'info à TF1. C'est exact. C'est bon, j'ai eu l'air futée. Carrément, je suis rassurée, merci. On peut choisir les sujets alors. Aquilino Morel qui tacle Hollande. Il va pas les cirer des pompes. Merci bien. Je prends. Le retour de Pasqua. Parfait, ça nous ramène à Mitterrand. Mitterrand, elle l'a interviewé pour la première fois en 59. Puisque tu connais tout, moi je vais aller lire les journaux à la cafette. Je suis rassurée. Non, tu vas attendre un peu. Tout à l'heure, quand j'ai dit Roger Zabel, tu as rigolé. Alors que c'est un grand journaliste. Roger Zabel est un grand journaliste. Gérard Rolls aussi. Grand journaliste. Et Jean-Jacques Bourdin aussi. Bon, j'y vais. Evelyne Delia, grande journaliste, tout ce que tu veux. Evelyne Delia, grande journaliste. En tout cas, elle porte bien les tailleurs pour son âge, je vais te Alex, dire. Quoi? Comment tu savais tout ça sur l'invité? Mais oui, c'était bluffant. C'était écrit sur les feuilles que vous avez mis devant moi. Évidemment. D'ailleurs, il n'y a pas son nom. Comment elle s'appelle l'invité encore? Françoise Giroud. Non. Ça me dit quelque chose. La France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité en dehors des pointillés. Et voici les trois informations qu'on va déchiqueter jusqu'à 18h. L'ex-conseiller de l'Élysée, Aquilino Morel, a été blanchi. Il était soupçonné de conflit d'intérêts. Celui qui brille par ses souliers vide son sac dans la presse et s'en prend à François Hollande. Hey, Tommy, si je voulais vraiment te les casser, je te dirais d'aller chercher ta boîte à cirage. Hier midi, France 2 nous a donné des nouvelles de Charles Pasqua. Il a accordé un long entretien à Mireille Dumas. Charles Pasqua, je vous ai jamais quasiment entendu parler de religion. Vous êtes croyant? Oui. Vous priez? Quelquefois. Vous avez beaucoup péché, Charles Pasqua? C'est Mireille Dumas sans sa frisette, c'est Laurent Delahousse. Les livres sur l'islam se vendent comme des petits pains au chocolat. Bonne nouvelle, car le grand public est désireux de comprendre ce qu'est réellement l'islam. On n'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Et pour découper ces trois informations, je suis accompagnée d'Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, et je suis ravie aujourd'hui parce qu'autour de la table, des femmes, que des femmes pour cette journée, post-journée des droits des femmes. À 17h20, celle dont je me demande quand elle dort, puisqu'elle vous informe vraiment le matin. Et ensuite, elle vient nous proposer toutes les infos que la rédaction n'a pas voulu cautionner dans l'après-midi. C'est Hélène Roussel, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? De la musique et de l'actualité, ça vous rappelle quelqu'un peut-être, non? Bon, cette fois, on va entendre de la musique et on va faire de la vraie actualité. Salut Thomas. Actualisique sérieuse. À 17h30, on aura tout de même un homme, un best-of. Non pas le meilleur des hommes, non, mais le meilleur de lui-même. Guillaume Meurice se repose, mais on va écouter ce qu'il avait de mieux. En janvier, il nous parlait de l'accession au pouvoir de Syriza. Il avait rencontré des gens du monde de la finance qui avaient, comment dire, un vrai point de vue. Je pense qu'il y a des vérités qui sont dites, qui ne sont pas forcément les mêmes de part et d'autre. Voilà, ça se clarifiera tout à l'heure. Et à 17h40, celle avec qui j'ai l'impression de jouer au squash sentimental, elle serait le mur, puisque chaque fois que je lui envoie des déclarations effrénées, elles me reviennent d'autant plus vite. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? J'aurais ciblé la pêche, mais bon. On va parler du livre de notre invité qui décrypte un grand homme. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Albert Lebrun, mais vous ne les faites pas. Vous êtes nommée présidente de Radio France en 81, quand TF1 commence à diffuser Dallas. Vous devenez directrice de l'information à TF1 en 87. C'est l'année où Jacques Chirac apparaît en maillot de bain à la une du Parisien, déjà. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Ah bon, d'accord. Vous êtes nommée directrice générale de France 2 en 99, l'année où Patrick Sébastien chante le petit bonhomme en mousse. Mais vous êtes, je vous laisse le dire, vous êtes... Ah, ça, je suis... Vous n'aimez pas parler de vous, je le sais. Oui, parce qu'il a étudié les dossiers. Ouais. Mais votre nom ? Je suis Michel Cotard. Mais oui, c'est Michel Cotard. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Je vous dis, elle a dit, oui, je suis auteur d'un livre. Et oui, c'est vrai, en fait. C'est vrai, pour ça que vous êtes le moment. Ouais. Non. Et surtout, je ne m'intéresse qu'à l'instant présent, d'une façon générale. Comme c'est une émission d'information, on va à la source, donc on vous demande votre prénom et votre nom, et comme ça, on va à la source il directement. Il vaut mieux. Michel Cotard, vous publiez Le Monde selon Mitterrand, chez Talendier. Je me disais, mais quel sens ça prend aujourd'hui de relire les pensées, arrière-pensées et les formules, parce qu'il avait extrêmement le sens de la formule de Mitterrand aujourd'hui, sauf à se faire un peu de mal parce qu'on se rend compte que l'esprit semble s'être considérablement appauvri chez les politiciens contemporains, ou en tout cas le vocabulaire. Non, on dit toujours ça, parce que ça fait des années que j'entends dire « Ah, c'était pas comme il y a 10 ans. Bah, » Les derniers en date, c'est ces tracts ambulants du FN, « Casse-toi, pauvre con, viens ici que je descends un petit peu si t'es un homme. » C'est un peu l'écume, c'est un peu de notre faute. Hein, si ce genre de phrases passent à la postérité, je veux dire, il y a toujours eu des petites phrases qui passaient à la postérité, même au début du XXe siècle. C'est pas le même mode, mais enfin. Alors vous dites quand même que c'est un des présidents sans doute le plus littéraire que la France ait compté. Il faut dire que c'est un. Vous me demandez pourquoi j'ai avoir choisi. Alors, j'ai pas choisi par comparaison forcément. Après, on parlera de la comparaison avec les autres, mais j'ai choisi parce que c'était. C'est vraiment un amateur de littérature, un amateur de culture, et qu'il a, si j'ose dire, une épaisseur parce que c'est aussi un grand leader politique. C'est vrai qu'il y a peu d'hommes politiques aujourd'hui, mais même avant, qui ont une multidimension, c'est un homme multidimensionnel. Alors il n'y en a pas beaucoup qui aiment Corto Maltese. Ça, oui, parce que lui, François Mitterrand, dans votre livre, on apprend. Donc qu'il voilà, c'est ça la raison d'un choix. Le choix est d'ailleurs celui de l'éditeur, puisque c'est un livre qui appartient à une collection qui s'appelle Le Monde, selon Clémenceau, Jaurès. Bon, chez Talendier. Et je trouvais que c'était très bien de faire figurer. Un homme politique peut-être pas d'aujourd'hui, mais enfin d'hier, d'immédiatement hier, dans la collection. Et vous qui l'avez connu à ses débuts, parce qu'on a dit non, 59... Non, c'est à mes débuts. Oui, non, oui. Et donc lui, quand même, en 59, il n'était pas... Est-ce qu'il avait quand même... C'est Michel Cotta qui l'a lancé. Il n'était pas tombé du nid. Je sais bien qu'il vous doit beaucoup. Ça n'était pas dans vos fiches. Non, bien sûr, mais quand vous l'avez vu évoluer, est-ce qu'il était cet homme aussi impressionnant? Non. Il faut dire que c'est c'était un moment où il était vraiment dans un gros creux, puisque c'était après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Et donc, il était plus député, il avait été mis en cause pendant beaucoup d'histoires, dont on peut revenir. Hein, mais donc, il était vraiment dans le fond du trou, quand même. Alors, dans le fond du trou, il était tout à fait honorable. Beaucoup de ses proches l'honoraient aussi. Et tout le monde l'appelait toujours président. Enfin, quand je l'ai connu, il n'avait pas cette espèce de... Il n'était pas un marmoréen, vous voyez. Il n'était pas un César. Il était un député qui faisait son chemin dans les couloirs de la 4e et de la 5e République commençante. Et vous dites pourtant dans votre livre que c'est un homme qui était plus adepte de la conquête du pouvoir que de l'exercice du pouvoir. Oui, d'abord, je crois qu'ils le sont beaucoup, hein, d'une façon générale. C'est la conquête. C'est des forcenés, quelque part, hein, qui, avec une certitude, une croyance dans leur étoile, vraiment une mobilisation. C'est des illuminés, alors. Une détermination. Non, mais il faut être... on sait bien qu'il ne faut pas être normal pour être président de la République, il faut être un peu fou. Oui, alors c'est vrai que ça leur plaît beaucoup. Après, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'on pense, qu'on a fait un tas de promesses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir, et surtout que la réalité se rappelle à vous souvent cruellement. Et donc, relire Mitterrand, c'est Le Monde selon Mitterrand, les combats, pensées, arrière-pensées, piques et polémiques, puis qu'il y en a eu aussi. C'est votre ouvrage, Michel Cotard, chez Talendier. Et tiens, pour le relire avec l'éclairage d'aujourd'hui, ce petit passage où Mitterrand dit « La gauche peut gagner à condition qu'elle reste elle-même, qu'elle n'oublie pas que sa famille, c'est toute la gauche. Hors du grand rassemblement des forces populaires, il n'y a pas de salut. » Comme quoi, relire Mitterrand. Et encore, j'ai eu énormément de citations sur la gauche que j'avais recueillies. Puis je me suis dit, je ne vais pas... il ne faut pas les multiplier, parce que je ne vais pas faire une leçon à la gauche de la gauche et à Jean-Luc Mélenchon à partir de déclarations d'il y a 10 ans de François Mitterrand. Mais enfin, il a passé sa vie à dire à la gauche, attention, restez unis. Et, alors, il faut dire que sous lui, elle est à peu près restée unie, hormis le départ des communistes, évidemment. Nous sommes avec Michel Cotta sur France Inter, radio qu'elle connaît bien, sur laquelle vous avez officié, bien sûr. Et on écoute The Selector on my radio. Jusqu'à 18h, si tu écoutes, j'annule tout. Il est 17h21 sur France Inter et nous sommes en compagnie de Michel Cotta qui publie Le Monde selon Mitterrand chez Talendier et à 6h moins le quart, Clara Dupont-Monod chroniquera cet ouvrage et Alex Vizorek autour de cette table. Mais juste suspense avant, monte. Attention, c'est la Aymeric Caron de notre émission. Méfiez-vous. C'est tout dire. Je mange de la viande. Il y a évidemment Hélène Roussel autour de la table et Guillaume Meurice qu'on entendra tout à l'heure. Et on est avec vous sur Twitter, Michel Cotta. Je vous follow sur Twitter. Je suis donc le 893e à vous suivre. Attention, c'est parti. Alex, nous on consomme l'actualité. On consomme et on consomme, de façon compulsive. Et pour se soigner, on fait une petite revue de presse. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Hier, à l'occasion de la Journée mondiale pour le droit des femmes, François Hollande a reçu 100 femmes à l'Élysée. Oh, le dimanche de merde. Ah bah, lui, il était ravi, je vous signale. Écoutez comment ça s'est passé. Bon, d'abord, merci d'être venu. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le succès du football féminin, c'est que c'est aperçu qu'un but marqué par une femme ou un but marqué par un homme, ça pouvait être beau. Vous les femmes, Michel Cotta, ça fait de l'effet, non? Il sait parler aux femmes, François Hollande. Oui, le football féminin, vous savez que ça marche très bien, le football féminin. Tout le monde se fout des pauvres footballeuses, mais... Non, on se fout pas. François Hollande dit qu'il y a un but marqué par un homme, c'est aussi beau qu'un but marqué par une femme. Il sait nous parler. Comme si c'était... comme si c'était vraiment impossible. Et comme s'il allait souvent voir des matchs de football féminin. Oui, aussi. Enfin, bon, souhaite. Passons. Qui le sait? Oui, là, non, quand tu vas au foot, on le sait. Ouais, hein. Tu vas voir le Racing. Oui, mais... Passons au Front National. Oui, France 3 Auvergne annonce que deux nonagénaires auvergnates seront candidates au Front National au départemental. Eh ben, dites donc, on dit toujours que le FN a des idées rétrogrades. Bah, au moins ici, elles seront bien méchante, incarnées. J'ai mes chances, alors. Écoutez, je vais vous donner vos concurrentes, alors, parce que Micheline Becerias, 92 ans, se présente dans le Puy-de-Dôme, et Jeanne Méniel, 99 ans, se présente en tant que suppléante dans le Cantal. Je sais pas qui est suppléé par une dame de 99 ans, mais je serai lui, j'essaierai de me tenir à carreau. Je sais pas, il y a des listes envisagées comment ça marche, c'est quand même assez passionnant. La première n'était pas prévenue. Il n'y a pas un peu un habit de faiblesse derrière tout ça. C'est peut-être Alzheimer. Passons à la Russie. Oui, 5 suspects ont été arrêtés suite au meurtre de l'opposant russe Boris Nemtsov. Ces suspects sont d'origine tchétchène. Étonnant. Étonnant, ça. Oui, oui. Vous voulez dire que chez Poutine, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Ah, en tout cas, les suspects sont tchétchènes. Oui, ouais, il paraît que le réchauffement climatique, c'est aussi les tchétchènes. Non. Ouais. Bah, si ça se trouve, la disparition des vols de la Malaisienne, ça pourrait aussi être des tchétchènes. Ah, bah oui, oui. Lequel des vols de la Malaisienne? Les deux, les tchétchènes, ils sont partout. Ah, ouais, voilà. Alors, un Américain veut prendre une photo qui va durer 1000 ans. C'est un article à lire sur lefigaro.fr aujourd'hui. Hein, un artiste a mis au point un dispositif spécial qui doit permettre un temps de pause d'un millénaire. Mais ça existe déjà, ça s'appelle un film de Claude Lelouch. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et on termine par cette découverte archéologique surprenante. Un archéologue britannique prétend avoir retrouvé la maison où a grandi Jésus à Nazareth. C'est fou, ça. Et figurez-vous qu'apparemment, on aurait retrouvé l'amant de sa mère dans un placard. Vous êtes sur France Inter jusqu'à 18h. On met l'actualité dans la prise avec Michel Cotta. Vous voyez ce que devient l'information avec nous. C'est quand même pas ce qu'on nous a appris dans les écoles. Hein. Oh, mais c'est d'un plus gai. On ne fait pas dire. Si vous cautionnez, on est ravis. Premier sujet avec vous. Tiens, parlons un peu d'Aquilino Morel. Lui aussi s'est fait plaquer par le président. Lui aussi écrit un livre. Il fait partie de cette escadrille qui vole dans les plumes de François Hollande. Et je ne parle pas de vos chaussures. Entrepreneur des rames. Double piqûre, cuir buff. 299 francs, prix maximum. Vous avez gardé les factures? Celle-là, oui. RAM, il faudrait être fou pour dépenser plus. Alors, en retrouvant cette publicité, on s'est dit, tiens, est-ce que ça daterait pas de juste après l'affaire Elf? Une autre histoire de pompe, et sans doute que la publicité s'était emparée en demandant les factures des chaussures. Bref, Aquilino Morel, conseiller de Hollande. De Roland Dumas, Aquilino Morel, oui, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. C'est la passerelle qu'on a faite. C'est la petite passerelle. Oh, à peine. Bah oui, nous sommes le bison futé de l'information, Michel Cotta, attention. Donc, conseiller de Hollande soupçonné de conflit d'intérêts, il travaillait à l'inspection générale des affaires sociales et il a accepté une mission, une, dit-il, une seule, pour un labo pharmaceutique. Et puis surtout, il a fait venir un cireur de chaussures à l'Élysée. Une fois aussi, il fait tout une fois. Oui, il fait tout une fois. Il aurait pu être belge une fois. François Hollande s'est rendu compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que François Hollande se serait pas rendu compte qu'il était mal entouré et il a trouvé l'occasion de faire le ménage? Comment vous voyez-vous cette affaire Aquilino Morel qui aujourd'hui se répand dans la presse sur deux pages dans Le Parisien aujourd'hui? On peut en dire France. Aquilino Morel n'est pas nouveau en politique. Il a fait les discours de Lionel Jospin pendant très longtemps. Puis après, il était proche d'Arnaud Montebourg. Donc plutôt à la gauche de la gauche, et a rejoint après les primaires socialistes François Hollande. Et il a fait aussi ses discours avec beaucoup de talent. Vous le qualifieriez d'opportuniste peut-être le... Non, bah de non, frondeur pas, franchement, les... il n'est pas passé chez Sarkozy. Oui, oui, non, mais... Passé dans, il est passé dans non, tente juste... Plutôt de frondeur, la tente, un frondeur la potentiel. Tente, la tente d'à côté, quoi, mais... j'ai pas... La tente d'à côté. Et donc il a effectivement beaucoup de talent d'écriture. Maintenant, je trouve que cette histoire des chaussures, c'est beaucoup plus que les intérêts croisés avec le labo. Avec le labo, l'histoire des chaussures était ridicule. Voilà. Face à ce ridicule, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est président de la République? On ne peut pas garder quelqu'un, on ne peut pas dire oui, il avait raison de faire cirer ses chaussures. Bon, c'était dévastateur. C'est dévastateur. Et évidemment, il n'y a pas de bonne solution dans ces cas-là. On se débarrasse de son collaborateur, et le collaborateur, voilà. Moi, je crois que ce n'est pas formidable d'aller cracher dans la soupe quand on est parti pour des histoires de chaussures. Enfin bon, il le fait. En tout cas, ça fait deux pages dans Le Parisien et c'est sur la qualité. Ça fait quand même réfléchir sur la qualité des gens et il faut se dire que ça vaut pour nous tous d'ailleurs. Enfin, surtout mais en même temps, le principe de la revanche. Il faut faire attention à l'entourage. Mais le principe de la revanche en politique est quelque chose d'assez connu. Oui, mais ça c'est pas une revanche en politique. Que Nicolas Sarkozy veuille prendre sa revanche sur François Hollande et être réélu, oui, c'est normal. Qu'un collaborateur se venge dans des conditions comme ça, bon, c'est pas formidable. Mais maintenant, c'est la mode, on peut pas y échapper. Il a dû être poursuivi pendant un an par 12 500 journaux et 12 500 journalistes qui lui ont demandé de raconter. Ben voilà, finalement, il le fait. Et alors, aujourd'hui, on sait tout ça et quand il y a un serreur de chaussures qui vient serrer les pompes dans les salons de l'Élysée, on l'apprend. Alors, du temps de Mitterrand, justement, qui publiait Le Monde selon Mitterrand, il devait y en avoir à l'appel des conflits d'intérêts, même une fois, ou des serreurs de chaussures, ou des pressings qui viennent à domicile. Oui, et aujourd'hui, on le sait. À l'appel, pas ce genre-là. Ensuite, François Mitterrand, c'est pas le premier président de la République. Hein. Il y a eu aussi, sous les républiques précédentes, sous Pompidou, Giscard, des problèmes entre des collaborateurs de l'Élysée ou des grands patrons. Est-ce que c'est mieux que ce soit mis sur la place publique ou peut-être qu'avant, on vivait très bien tous sans savoir. Beaucoup de choses étaient aussi mises sur la place publique. Quand c'était un suicide à l'Élysée, ça a fait parler quand même. On peut pas dire que c'était encore pire que des chaussures. Parler de François de Grossouvre peut-être. Qui était l'Aquilino Morel pour l'équivalent de François Mitterrand. Je crois quand même, ce qui a quand même changé depuis, je dirais, 15 ans, c'est la presse permanente, c'est-à-dire la radio, la télé d'information permanente. J'entends pas France Inter, mais enfin, c'est vrai que France Info, les chaînes de télé, BFM et tout ça veut dire une pression constante où il faut découvrir l'information, pas passer à côté. Donc, évidemment, il y a un souci de questionnement et maintenant un souci de transparence. On ne pourrait plus maintenant dans les temps aujourd'hui, on pourrait plus dire par exemple à quelqu'un qui voudrait être candidat de Radio France, ne le dites pas, personne ne le sait. On sait très bien qu'il suffit qu'il le dise pour que immédiatement ce soit sur la presse et bref, sur la voie publique. Plus rien ne nous échappe aujourd'hui, enfin plus rien. pas tout à fait, mais le problème beaucoup moins de choses. Plus rien ne nous échappe, c'est peut-être, mais enfin, le problème, c'est de faire le départ entre ce qui est important et ce qui est secondaire. Mmh. Alors, de temps en temps, ce qui est secondaire, comme les chaussures, arrive à être important, comme l'interview au Parisien. Voilà. Et pour séparer le bon grain de l'ivraie, il y a les journalistes de France Inter, dont Hélène Roussel, dont c'est le grand moment. Qu'est-ce que vous nous proposez on va aujourd'hui, parler de Hélène choses, justement, pas trop importantes, justement. Moi, ça me fait plaisir de venir parler de choses pas importantes, pour une fois. L'actualité de la musique, c'est l'actualisique, mais je ferai pas le jingle, pas comme celui que vous connaissez. C'est la marque en plus, déposée de Thomas VDB. Il n'est pas là, donc je fais ce que je peux. Alors, j'ai décidé de vous parler d'un sujet sérieux, les élections. Hop, là, Charline. Oui, Alex, là. Okay, mais c'est dans deux semaines, il faut se réveiller. Il y a des on élections. On est au taquet sur les départementales. Je m'en fous, moi je prends l'autoroute. Il y a un hymne aux élections, il y a une musique aux élections. Même pas. Pas loin. Mais elle n'est pas très passionnante, cette campagne, vous allez voir, elle peut le devenir. Vous savez quoi, il suffirait d'un bon vieux rock, on parlait de musique, pour pulser un petit peu tout ça. Il y en a un qui l'a bien compris, même s'il joue dans la cour des régionales, vous le connaissez, petite devinette, il a 68 ans, c'est un habitué de Rock en Seine, le festival, un fanat d'ACDC. Gros indice chez vous, c'est son troisième mandat à la tête de la plus grosse région de France. Je suis Huchon. Jean-Paul Huchon. Jean-Paul Huchon, bravo Clara. Il est rock. Il est rock, vous allez voir ça, Charline. Candidat à sa propre succession, très dans le coup, le patron PS de la région parisienne. D'abord, il a lancé un blog la semaine dernière, un blog comme les Jones. Et puis comme titre, il a choisi... Rust Never Sleeps. C'est un album de Neil Young, une référence rock absolue. Vous voyez là Jean-Paul Huchon ? Je le vois sous un autre jour. Est-ce qu'il veut dire en français ? Alors, on va continuer. Ah, pardon. Parce que vous allez me dire justement où est le lien, quoi, entre Jean-Paul Huchon et ce titre. Bien sûr. Bon, mais en fait, c'est évident, Alex. Pourquoi ? Parce que Neil Young est un artiste à la créativité, à la longévité délirante. Il a toujours su se renouveler. Vous saisissez le message ? Oui. Autrement dit, accroche-toi à Marie-Pierre de la Gontrie. C'est la vice-présidente PS qui aimerait bien reprendre le flambeau. 10 ans de moins, bah, c'est pas gagné. Hein. Il n'est pas parti, il n'est pas encore ringard non plus, le patron. Figurez-vous que les autres politiques s'y sont mis. Pierre-Yves Bournazel, à droite. Neil Young, écrit-il sur Twitter, c'est aussi « Times fade away ». Traduction, le temps s'efface. Et pan. Et alors là où ça devient carrément drôle, c'est quand Valérie Pécresse, la candidate UMP, elle aussi s'y met. J'espère que décembre, dit-elle, sera pour mon équipe le temps du harvest, la récolte en français. Harvest, un autre grand, grand album du grand, grand monsieur. Rien que pour vous, Charline, je crois que vous connaissez mal. Allez, je balance pas du tout. Je savais que Pécresse était rock. J'y ai toujours pensé. Eh ben ouais, ça vous inspire ça, Alex. Bah, hein ouais. Pécresse qui cite sans doute l'un des artistes les plus grunge de la planète. Je vois des étoiles dans les yeux d'Alex. Voilà, on pourra plus dire que vous connaissez plus. C'est Van Halen, voilà, la battle des politiques, c'est sympa aussi. Ah ouais, donc ils ont une culture musicale rock. Ouais, c'est tout à leur honneur. Voilà. Ils demandent à leurs conseillers de leur choisir. Des... Peut-être. Détricotez-nous ça. Oh, vous brisez tout, Michel Cotta. On a cru un moment que Jean-Paul Huchon et Neil Young, ça les réunissait avec Valérie Pécresse, et en fait, c'est les conseillers. Quelle horreur. J'ai mauvais esprit. Non, mais on adore ça. Bon, allez, une chanson hein, que vous connaissez bien, Charline. Too Drunk to Fuck. C'est de qui ? C'est pas Nouvelle Vague. Si, c'est Nouvelle Vague, enfin, oui, vous connaissez ça, c'est bien. Je vous propose de réécrire les paroles. Après Too Drunk to Fuck, Too Fat to Fight. Trop gras pour combattre. C'est un vrai sujet, on rigole pas, c'est incroyable, mais l'obésité chez les soldats en Grande-Bretagne pose un grave problème. Ils se gavent de kebab et de frites et après ils ont du mal à grimper les gouttières et à faire la série de pompes, vous m'étonnez. Les kebabs de Kaboul ou Non, même pas. Non, je parle des soldats qui s'entraînent en Grande-Bretagne. Ah oui, d'accord, pardon. Les kebabs, les frites, on va pas citer des marques ici, mais vous voyez ce que je veux dire. Résultat, 32 000 soldats anglais quand même qui ont échoué aux épreuves physiques les plus élémentaires sur les 3 dernières années. C'est quand même énorme. Ça, c'est le Daily Express, hein, c'est pas moi qui l'invente. À tel point qu'il est quand même question de rendre la cantine et ses menus plus équilibrés obligatoires. Allez, pour terminer, vous savez quoi, je vois que ça vous plaît, on reste en Angleterre, pays du punk rock, et puis d'Elisabeth II aussi. Hein. À 88 ans, elle assume, elle, le temps qui passe. Pas de lifting pour la Queen. Sur les nouvelles pièces de Monet, on la voit comme toujours de profil, mais on voit aussi le léger tassement du menton, et puis au coin des yeux, les pattes d'oie ou les pattes de l'oie, c'est au choix. Tout le monde est prêt ? Pensez que vous êtes des oies. En avant, marche ! La bande son est parfaite. Oh, c'est mignon, hein. Ah, ça lui sied très très bien, on l'imagine. Les pattes d'oie de la reine Elisabeth II, ça se mérite, madame. Hein. Plus de 63 ans sur le trône, quand même. Elle est en passe de pulvériser le record du règne le plus long. Ça ferait envie, je pense, à un certain Jean-Paul Huchon. Enfin, comme dirait Thomas VDB, God save the Queen. Exactement. Merci Hélène Roussel. Voilà comment l'actualité est éclairée par la musique. Nous sommes en compagnie de Michel Cotta. Et tout à l'heure, Clara Dupont-Mono nous parlera de votre ouvrage, Le Monde selon Mitterrand, publié chez Talendier. Et juste après Charlie Winston, on retrouve Guillaume Meurice. I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word. And I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a boat. Told me always keep your head on. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah, like a whole. Like a Hobo, c'est Charlie Winston sur France Inter. Dans Si tu écoutes, j'annule tout. Nous sommes en compagnie de Michel Cotta et autour de la table, Alex Vizorek. Et bien Clara Dupont-Meneau, Hélène Roussel et Guillaume Meurice qui n'est pas là, mais presque. Mais presque, presque. Ben, on va rediffuser le meilleur. Le meilleur. Enfin, il y a là, que du bon. On a l'embarras du choix. Oui. On a l'embarras du choix. C'est lui qui a choisi, donc c'est qu'il est fier de lui sur ces cinq-là. C'est vrai. Michel Cotta, Guillaume Meurice, c'est un. Il fait du comique d'investigation. Et il a investigué au lendemain de l'accession au pouvoir de Syriza. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'accession au pouvoir du parti Syriza en Grèce, donc hein, ce parti que Clara Dupont-Meneau appelle la gauche radicale, hein, l'extrême gauche, elle dit avec la bave aux lèvres et en tremblant des genoux. Les dangereux gauchistes. Il n'y a pas que vous qui ayez des craintes, Clara. Il y a également le fameux monde de la finance. Et oui, c'est la panique chez les businessmen du monde entier. Le cours de la couche confiance est en nette hausse. Pour faire un point sur la situation, je me suis rendu ce matin au grand colloque organisé par la société Coface, expert en risques financiers sur les investissements internationaux. Hein, c'est du lourd, attention. Vous pensez que j'exagère quand je parle de panique? Écoutez ce qu'un analyste financier pense de la victoire de Syriza. Si on peut comparer à ce qui s'est passé il y a deux semaines en France, c'est aussi un peu dans la même lignée. C'est-à-dire que les attentats? Oui. Voilà, on n'hésite pas donc à comparer Alexis Tsipras et les frères Kouachi. C'est pour vous dire le niveau de flip des gars. Allons voir un autre analyste financier. Qu'est-ce qui vous inquiète? Le parti en lui-même. Le parti en lui-même. Les gauchistes? Sincèrement, oui. Oui, oui, toute forme de radicalisation. Donc. Mais des gauchistes, ça vous fait peur? Autant que des gens de droite. Ah oui, alors là, genre, alors là, je comprends. J'ai peur de tout. Alors là, non, je comprends. Moi-même, il m'arrive d'avoir peur des gens de droite, notamment de Clara Dupont-Meneau quand elle bave et qu'elle tremble des genoux, comme elle le fait en ce moment. Mais pour cet analyste financier, c'est un peu paradoxal parce que lui se considère... Plutôt de droite, mais à la limite, si vous voulez, c'est... Ce qui est un peu gênant, c'est que ça prouve que les gens n'ont plus confiance dans les partis, je dirais, plus établis. Qu'est-ce que le peuple grec attend? On se le demande. Bah, il attend peut-être une politique de gauche. Non, mais oui, on verra. Ah, vous avez un peu peur, je vous sens un peu fébrile. Oui, tout à fait. Oh, le pauvre bichon. Mais vous lui parliez avec un gourdin à la main. Mais non, mais pas du tout. Pauvre bichon, il a peur. Mais ça va bien se passer, allez. Enfin, j'espère. Demandons à cette conseillère en marchés internationaux. Est-ce que c'est flippant ou pas? Un peu, oui, quand même. Oui, je vois, vous avez peur. Non, peur. Je veux dire que ça aurait pu être pire. J'attends de voir, je suis assez prudente. Oui, ça se trouve, il va pas tenir ses promesses, après tout, c'est un homme politique. Bien sûr. Vous espérez qu'il tienne pas ses promesses? Bah, y a des chances, hein. Voilà, donc on espère fort que Syriza ne tiendra pas ses promesses. On tente de se rassurer comme on peut. On se dit aussi que le contribuable français n'est pas prêt. Je suis pas sûr que le contribuable français soit prêt à faire un cadeau de 40 milliards d'euros au contribuable grec, aussi gentil soit-il. Est-ce que vous êtes prêt à faire un petit cadeau au peuple grec? Je sais pas si la question se pose comme ça en fait. Si, puisqu'on a de la créance vis-à-vis du peuple grec. Est-ce que vous, personnellement, vous seriez prêt à faire un petit geste? Oui, mais un geste en fonction de quoi? En tant que tel, pourquoi pas? Mais après, moi, je suis pas le Père Noël non plus. Donc, si c'est un geste, si la Grèce se restructure, oui. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Est-ce que les Grecs sont prêts à faire aussi des cadeaux aux contribuables français? Bah oui, voilà, on ne va pas commencer à venir en aide aux gens en difficulté sans contrepartie. Moi-même, quand j'aide une grand-mère à traverser la rue, j'attends une faveur sexuelle en échange. Hein, ah, c'est la technique dite technique Vizorek, hein, dont la passion pour les cougars n'est plus un secret pour personne. Je ne parle pas de vous, Clara. Arrêtez de baver et de trembler des genoux, ça devient pénible. Concluons plutôt avec un expert. Bah, je suis courtier en risque politique, donc c'est l'occasion de voir l'ensemble du marché. Vous êtes courtier en risque politique? Voilà, donc on assure les risques politiques, c'est-à-dire le risque pays. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Syriza en Grèce? Qui le sait? Vous, c'est votre métier? C'est mon métier, franchement je ne sais pas. En entoure, ils sont contraires, donc je ne saurais pas vous dire ce que ça peut donner. Mais alors attendez, c'est votre métier de dire ce qui va se passer, et là vous savez pas? Vous savez ce qui va se passer en France d'ici 12 mois? Ah mais moi je suis pas courtier. Non mais vous vivez en France. Oui. Bon ben voilà. Ah ben voilà, ah ben voilà. C'est le principe du gars qui est courtier au risque politique et qui est incapable de donner un conseil. C'est l'équivalent du chirurgien que tu vas voir parce que t'as une double fracture ouverte tibia péronée et qui te dit calmement « Vous pensez que c'est grave, non ? Hein ? Qu'est-ce que vous feriez à ma place, vous ?» C'est toujours rassurant. Puisque j'avais affaire à un expert, je lui ai demandé ce qu'il pensait du peuple grec. Je pense que les Grecs jouent un peu tout seuls dans leur coin. Bah, c'est-à-dire que la dernière fois qu'ils ont joué, ils ont perdu, donc peut-être qu'ils n'ont pas envie de renouveler l'expérience. Oui, mais depuis, est-ce qu'ils se sont améliorés ? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait quand il fallait ? Je suis pas convaincu. Est-ce que ça veut dire que là, le peuple grec a eu tort ? Certains, oui, sûrement, oui. Le plus riche, sûrement, oui. Les plus riches ? Les plus riches, oui. Ah, vous pensez que c'est les plus riches qui ont voté pour la gauche ? Oui. D'accord, donc je rappelle que le type est un expert en politique et qu'il pense que les riches grecs ont voté en masse pour Syriza. C'est de mieux en mieux. Bon, moi, je vais vous donner un vrai conseil après avoir côtoyé tous ces analystes, experts, conseillers financiers. Vu le vent qu'ils brassent, investissez dans l'éolien. C'était le conseil de Guillaume Meurice. On est ensemble jusqu'à 18h avec Michel Cotta. On passe l'actualité à l'essoreuse. Tout de suite, le sujet 2 avec France 2 qui a retrouvé Charles Pasqua. Ça nous avait manqué, ça, Michel Cotta. Un petit peu de Charles Pasqua et qui a offert un tête-à-tête. Oui, bah, je donne l'iné de la tête. Hein, non, parce que je pensais à une citation de François Mitterrand. Il disait, c'est un Fernandel triste. C'est vrai. Vous allez nous le dire. Parce que Laurent Delahousse a eu droit à un tête-à-tête avec Charles Pasqua. C'était un festival Pasqua qui a cité le général de Gaulle en exemple. Exemple de probité, bien sûr. Pour moi, c'était à la fois Clovis et Charlemagne, tout ce que vous voulez. Napoléon, c'était la quintessence de tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il se passe quoi ? Le Pen passe quoi ? L'escouade de la politique, mec, casse-toi ! Je crois que j'ai tout dit. Il y a encore quelque chose à rajouter, je crois. Alors là, on tombe de l'arbre. C'est un peu plus compliqué que ça. Ah, Fernandel triste donc. Et là, pourtant, il est assez gay. Oui, parce quoi, featuring Ahmed Bent. C'est vrai que ça a été. Non, c'était c'est Diam. Pardon, Diam, c'est excuse-moi. Comme nous disons dans notre métier, ça a été un très bon client. Hein, quand on avait Charles Pasqua dans une émission, ça faisait de l'audience. Ça cartonnait. Ah, ça vous fait peut-être, à 10 ans après, ça vous étonne, mais je vous garantis que ça marchait très bien. Pas tant que ça, parce qu'on imagine que c'est pour ça que Laurent Delahousse l'a fait revenir. Parce que la question, c'est pourquoi faire revenir Pasqua aujourd'hui et le faire s'exprimer ? Parce que ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup de. D'importance dans les milieux politiques, auprès de Chirac, auprès de Sarkozy, auprès de Balladur, etc. Il était populaire aussi. Qui était populaire. Qui a fait beaucoup pour le monde judiciaire. Et qui, effectivement, voilà, et qui effectivement a été pris dans des remous plus compliqués que ça, je pense. Hein. Oui, c'est mais plus qui donc a choisi de plonger un peu, de rester. Et puis voilà, vraiment, maintenant, au bout de 10 ans, il peut réapparaître, et tant mieux. Mais il a fait une chose quand même assez rare chez des politiques, c'est qu'il s'est retiré, alors qu'il va bien physiquement, quand il a parlé hier, c'était ma foi intéressant. Et il a fait un truc, donc il s'est mis. Il a fait un pas de côté. C'est intéressant, il a dit qu'il fallait envoyer les djihadistes dans un Guantanamo français. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent et qui ne devraient pas. Et lui, il s'était retiré jusque-là. Oui, c'est pas, je trouve que c'est pas mal, d'autant que dans ces cas-là, je ne sais pas exactement quelle est l'action judiciaire, mais enfin. Elle est collective, hein. On voit bien les gens qui payent pour les autres, les gens qui payent pour eux tout seuls, les gens qui voilà. Donc voilà, il y a une casquette collective. C'est très collectif en ce moment. On pourrait jouer collectif. Il pourrait y avoir un carré VIP, ça c'est sûr. Pasqua donc de retour. Si vous voulez revoir l'interview, évidemment, à France 2. 13h15 le dimanche. Et voilà. Clara Dupont-Mono, parlons un peu de l'ouvrage de notre invité Michel Cotta. Oui, parce que c'est notre actualité. Donc le livre de Michel Cotta qui s'appelle Le Monde de Mitterrand. Vous avez donc collecté les pensées, les souvenirs et les pics, surtout les pics de François Mitterrand, tout au long de sa vie jusqu'à sa mort en 1996. Alors, avec le général de Gaulle, François Mitterrand est peut-être l'homme politique français qui a été le plus disséqué. Pourquoi ? Parce qu'il a surtout laissé des questions. Et vous en posez, vous, Michel Cotta, dès votre préface. Vous vous demandez quelle vérité se cachait derrière ses multiples visages ? À quoi croyait-il vraiment ? En Dieu ? En lui-même ? Le socialisme est-il vraiment devenu sa Bible ? Et quand s'y est-il converti, s'il l'a jamais été ? Il faut reconnaître que Mitterrand est quand même l'homme des paradoxes, ce qui explique aussi peut-être sa longévité littéraire. Il a dit par exemple « J'étais un produit de mon milieu, la petite bourgeoisie française très classique, catholique et traditionnaliste, donc de droite et patriote. » Et là-dessus, il porte haut les couleurs de la gauche tout au long de sa vie. Premier paradoxe. Second paradoxe, au hasard, il a toujours répété combien il aimait la nature. Il a écrit « La mort des ormeaux est pour moi un deuil de famille ». Et à côté de ça, il fait scandale en dévorant des ortolans, ces petits oiseaux protégés du sud-ouest, que l'on engraisse pour les manger d'un coup, tête comprise, et qui n'est donc fourni que par des braconniers. Autre paradoxe, il a beaucoup parlé de la gauche fraternelle, je le cite, et de la paix sociale, mais dans ses propres rangs, on la cherchait, la fraternité et la paix sociale, parce qu'il a surtout distribué des sentences meurtrières, et là, sortez les casques. Au hasard, en 1991, alors que Michel Rocard a quitté Matignon, il persifle « Rocard, je le recevrai avec plaisir, on dit que je lui en veux. Comment vouloir à quelqu'un que j'ai battu deux fois sans difficulté, ce qui est assassin ?» Laurent Fabius, lui, a droit à un anagramme, pareil, crucifiant. En Fabius, virgule, il y a abusif, faut s'en remettre. Pierre mais oui, c'est terrible, brillant. C'est terrible. Ouais. Pierre Berger revendiquait ses racines bretonnes. Mitterrand a soupiré, ah, il est vilaine. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est un chroniqueur oui, extraordinaire. En fait. Ouais, ouais. Et il aurait été bien autour de la table. Et quand Pierre Berger, il lui a confié la direction de l'Opéra Bastille, c'était pour en faire, je cite, les folies bergères. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait la langue assez serpentine. En gros, on peut tout reprocher. L'humour, quand même. Ah, non, mais certainement, ici, c'est partagé, mais on peut tout reprocher à Mitterrand. En tout cas, on ne peut pas lui enlever ce sens de la répartie. On se souvient d'ailleurs de ses tacles légendaires lors des débats télévisés. C'est rentré quasiment dans notre patrimoine national. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Je me permettrai donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Voilà, donc on aura reconnu, c'est les plus connus, hein, le premier face à Giscard en 1981, le second face à Chirac en 88. Vous étiez aux premières loges, vous étiez à la table quand ils étaient dans les deux cas. Entre les deux, vous voyez, voler les balles. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Ça dépend. C'est devenu tellement culte aujourd'hui. Pour Mitterrand-Giscard, c'était dans l'ordre des choses. 7 ans avant, Giscard avait dit à Mitterrand... Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et Mitterrand avait passé 7 ans à se dire qu'est-ce que je vais lui répondre la prochaine fois. Il avait trouvé l'homme du passif. Dans le cas Mitterrand-Chirac, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus stressant, beaucoup plus dramatique, parce qu'on sentait le tempérament de deux personnages qui se détestaient à l'époque, qui sont beaucoup moins détestés à la fin, mais qui, à cette époque-là de leur vie, étaient vraiment l'un contre l'autre. Et on se demandait franchement comment ça allait finir. On ne savait pas qui garderait son sang-froid. Moi, j'étais pour ma part assez persuadée que Mitterrand ne broncherait pas. Mais on sentait que Chirac, qui était plus jeune, plus fougueux. Le jeune lion. Moi, je me suis dit, à un moment donné, il va dire, mais vous mentez, quoi. Vous mentez, ça suffit. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va tomber sur la tête, la maison de la radio va nous tomber sur la tête, ça se passait ici. Alors ça, c'est parmi les tacles les plus connus, hein, mais vous en exhumez d'autres, Michel Cotta. Notamment, alors ça c'est mon préféré, mais vous racontez qu'un jour, lors des élections cantonales dans la Nièvre, un adversaire communiste menace Mitterrand et lui dit « Je passerai comme une lettre à la poste ». Et Mitterrand lui répond « La poste est fermée le dimanche ». Ce qui est impérial et ce qui est extraordinaire. Alors après, il y a quelque chose qui est assez amusant à faire, un exercice assez amusant, c'est de lire votre livre en le ramenant à notre réalité politique d'aujourd'hui. On lit en 2015 que donc c'est Édouard Balladur, la nouvelle idole de l'UMP. Eh bien, Mitterrand, lui, il a prévenu, je le cite, « Avec lui, c'est la technique de l'étrangleur ottoman. Il est tout doux, il s'insinue, il vous neutralise. Et puis, le moment venu, quick. » Voilà, ça c'est pour la mise en garde depuis les ombres. Il a dit de Pasqua, effectivement, c'est un Fernandel triste en 1987. Et puis, on se rend compte que même Fantôme, ses coups de griffe résonnent avec aujourd'hui. Il pensait par exemple que la technocratie était l'ennemi de la politique. Elle était, je le cite, conformiste, incapable d'écrire en français, coupée du peuple. Il faudra refonder l'ENA, préconise-t-il, car, je le cite, « il y a mieux à faire que de fabriquer en série des préfets de bas empire ». Il les détestait, les énarques. Il les détestait, mais comme toujours, il s'en est beaucoup servi. La gauche a été, tous les cabinets ministériels de la gauche étaient... rempli de jeunes énarques. Alors enfin, il disait qu'au début de son mandat, il les écoutait, et qu'à la fin de son mandat, quand on lui disait non, il disait « vous allez le faire quand même en 3 mois », il le faisait en 3 semaines. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'il y a une volonté politique qui s'impose, mais en tout cas, la gauche s'est entourée du même personnel politique que la droite l'avait fait. Alors, quand le 10 mai 1984, il demande « les termes modernisation, entreprise, innovation seraient de droite ?» Postulat impossible, c'est le clin d'œil posthume à Emmanuel Macron, qui appréciera, bien sûr. L'outre-tombe, justement, alors ça, il savait qu'il fallait s'y préparer, puisque la maladie avait refait surface en 1992, voilà, après avoir été diagnostiquée une première fois au tout début de ses mandats. Il a dit cette phrase très belle, il a dit « je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas ». Et le 31 décembre 1994, lors de ses vœux, il promet aux Français qu'il partira... Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Extraordinaire phrase, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce phrasé-là, quand on l'entend, bon, il se fait un peu plus rare. On a l'impression qu'il vient d'outre-tombe avec le son. Exactement. En tout cas, et puis la voix qui avait beaucoup faibli, évidemment. La voix qui avait faibli. Mais je redonne les références de votre livre, que vous trouvez de toute façon sur notre site internet. C'est Le Monde selon Mitterrand, aux éditions Talendier, signé de vous, Michel Cotta. Merci. Merci, Clara Dupont-Monod. On aborde avec vous le troisième sujet, justement, à propos des livres, de la vente des livres sur l'islam. Les ventes de livres sur l'islam explosent. Et ça, c'est pas un bon mot. C'est écrit dans La Croix en ces termes. La bonne nouvelle, c'est que le grand public est friand d'ouvrages pédagogiques sur le sujet. Bref, on se tourne vers les livres pour essayer de comprendre. Allah, le détergent glouton. Pour dévorer les taches, Allah contient des multi-enzymes. Ils ont un appétit extraordinaire pour les taches de sang. Fruits, chocolat. Oui. Allah donne à votre linge la propreté totale. Allah, le détergent glouton qui dévore les taches. Et Michel Cotta, vous confirmez que ce n'est pas un sketch, c'est vraiment une publicité pour la lessive Allah, A-L-A, lessive aux enzymes gloutonnes. Je trouve que ça vaut les caricatures. c'est vrai, mais ce n'est pas un sketch. Sur la base, c'est Alina, c'est disponible, vous pouvez la regarder. Ouais, c'est en accès libre et gratuit. Les enzymes sont très mignons. Et voilà, et donc c'est un article intéressant dans La Croix aujourd'hui qui explique que les libraires se sont aussi donné une responsabilité, mettre en avant les livres pédagogiques, presque apaisants en fait, pour comprendre l'islam. Il y a par exemple « L'islam pour les nuls » de Malcolm Clark et Malek Chebel, ou « L'islam expliqué aux enfants et à leurs parents » de Tahar Benjelloun. Donc, le grand public cherche à comprendre par les ouvrages pédagogiques. Ce sont de grands auteurs. Tahar Benjelloun et Malek est vraiment un des meilleurs connaisseurs du Coran et du monde arabe. Donc, je trouve ça très bien, moi, qu'on montre que c'est une religion qui existe comme les autres religions. Et alors, je suis athée, mais la présence de religion ne me gêne pas. Et qu'on ne fasse pas d'un seul coup une religion qui soit la face noire de religion bleue et rose. Non, les religions reposent sur un socle de conviction. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas nouveau. Et en tout cas, c'est bien de dire aux gens, voilà, choisissez. La démarche de vouloir les comprendre, elle est nouvelle. Oui, elle est nouvelle, positive. Mais parce que nous sommes un vieux pays d'origine catholique et que nous apprenons en plus la religion du maximum de gens, c'est ça, alors même si elle n'est pas suivie, et on est aussi des ancêtres gaulois. Mais voilà. Et donc les libraires ont là un rôle par rapport à acheter ces livres sur Internet, par exemple, c'est que les libraires vous guident, et les éditeurs bien sûr, mais ils ont une responsabilité de guider le lecteur vers les ouvrages apaisants et pas ceux qui mettent de l'huile sur le fait. Alors, petite note aussi, tiens, à l'Institut du Monde Arabe, la librairie a choisi de ne pas vendre Soumission de Houellebecq. Voilà. Donc, alors moi, ça m'a laissé un petit peu sans voix. Ils disent, nous évitons ceux qui jouent sur la peur ou le sensationnalisme. Et voilà. Et donc, voilà. Alors ça, voilà, on peut le trouver partout. Hein. C'est le choix du patron, de Lima. Voilà. Allez, on va faire une petite revue de presse. Oui, il reste trois choses. Vous reste deux, trois choses sous le coude, devant Michel Cotta. Allez, c'est parti. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mets? Again, the no. Et on commence, again the no, par une exposition controversée en Suède. Oui, c'est l'Huffington Post qui relate que deux mendiants roms qui mendiaient dans la rue ont en effet décroché un emploi qu'ils n'auraient jamais imaginé. Ils ont posé comme œuvre d'art dans un musée en Suède. Donc je propose donc que la RATP rebaptise la station Châtelet MoMA. Et comme ça, tout le monde sera content. Vous avez regardé Thierry Ardisson aussi ce week-end. Oui, Alex, salut les terriens sur Canal+. L'invité, c'était Frédéric Mitterrand. Et quand le débat a tourné sur Manuel Valls, Fredo a fait une petite révélation. Je la j'adore. C'est très mignon. Alors, non, mais c'est vrai. C'est j'ai même fait des rêves érotiques avec Valls. Ah, ah, vous aviez la mouleta, il faisait le petit taureau. Non, non, non, ça se passait, non, ça se passait pas dans l'arène, ça se passait au lit directement. Ah, directement. Ouais. C'était vachement bien. C'était vachement bien. Pourquoi pas. Très bien. Et on termine par une info terrible pour nous Belges. Oui, une info qui vient de la BBC. Un Anglais qui a une maladie très rare. Il devient ivre dès qu'il mange des frites. Et comment c'est possible? Eh bien, en fait, il s'est vu diagnostiquer un syndrome d'autobrasserie. Son estomac contient un taux si élevé de levure qu'il fabrique son propre alcool quand il consomme des ingrédients avec de l'amidon. Un Gérard Depardieu a le même problème. Il mange énormément de raisins et son estomac auto-vinifie. C'est un truc très très rare. Et voilà, vous avez compris que vous allez rentrer informé chez vous ce soir, Michel Cotta, grâce à nous. Nous en sommes très fiers. On était ravis de vous avoir avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Monde selon Mitterrand, combat, pensée, arrière-pensée, pique et polémique. C'est publié chez Talendier. Et vous pouvez retrouver évidemment les références de l'ouvrage sur franceinter.fr, sur la page de Clara Dupont-Monod, si vous voulez dialoguer avec Clara et donner votre ressenti sur le livre, etc. N'hésitez pas, demain on se retrouve avec la comédienne Corinne Maziero. Et je laisse quand même le mot de la fin à Charles Pasqua. C'est un peu plus compliqué que ça.